Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Voici les SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu le pire sur terre. J'aimerais mieux d'être un hasard sur ma tombe à peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. Si jamais c'était plus beau. Dans l'enfant.